Ohayo gozaimasu. Give it to me, baby. Waza, waza. Give it to me, baby. Waza, waza. Give it to me, baby. Waza, waza. Et j'entends un gars me dire pretty fly for a hentai. Un jour je passais devant une librairie. Je recherchais mon animeland comme tous les mercredis. Puis je suis tombé sur un vieux numéro de Gaïcha. Et ce que j'y ai vu, ça m'a bien foutu l'angoisse. Tu pouvais y voir une infirmière belle comme un manga, avec les nulards à l'air, se prendre une quéquette de 35 mètres. Que même Rocco, il a pas la même. Quand je suis regardé, j'ai pensé que même si je pompais, je ferais jamais assez. Et que ma copine dirait: hey, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Give it to me, baby. What's up, what's up? Give it to me, baby. What's up, what's up? Give it to me, baby. What's up, what's up? J'entends un gamin, ready fly. Je suis parti direction une autre librairie pour rechercher mon animaland comme tous les mercredis. Puis je suis tombé sur un vieux numéro d'Entai Mag. Et ce que j'y ai vu, ça m'a refoutu l'angoisse. Il y avait un manga sadomaso avec des fées en cuir et des insectes babos qui s'entrediquaient avec des vers. Et le vers n'avait pas son mot à dire. Quand je suis regardé, j'ai pensé qu'on peut être un SM tout en restant écolo. Et que ma copine dirait: hey, hey, et mon sac à dos? Les hentai, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Faut plus qu'être né au Japon pour piger ce qu'il faut entendre. J'ai essayé d'en dessiner un, mais au bout de deux cases, il a laissé tomber. Il a jarté à la poubelle. Give it to me, baby. What's up, what's up? Alors je suis rentré à la maison, les mains aussi vides que les poches de mon blouson. Et je suis allé sur internet, et là terrible, ça continuait. J'ai vu 3000 fenêtres sur du hentai. Et quand moi j'ai vu ça, j'ai fait aïe aïe aïe aïe aïe. Et puis ma mère a débarqué, elle a vu mon écran saturé. Et voyant ça, elle a hurlé: hey, hey, mon fils est taré!